الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après avoir fini l'explication des piliers de la foi et des points essentiels à en tirer, le Cheikh rahimahullah a fini son épître par les bénéfices d'une foi ferme. Naam. Les bénéfices d'une foi ferme. Cette éminente croyance, dotée de ses immenses fondements, accorde aux croyants d'énormes et nombreux bénéfices. Naam. Donc, il a commencé, le Cheikh, par citer les bénéfices d'une foi ferme. Cette foi ferme, cette éminente croyance, dotée de ses immenses fondements, accorde aux croyants d'énormes et nombreux bénéfices. En effet, l'objectif n'est pas d'étudier les piliers de la foi juste comme ça de manière théorique. Ce n'est pas juste des théories ou une philosophie qu'on adopte. Par exemple, les gens en France, en Europe, en Occident, même dans d'autres pays d'Asie, pour eux, la foi, cela se limite à une philosophie qu'on adopte. Et cela n'a aucun fruit et aucun bénéfice sur eux. Alors qu'en islam, comme vous le savez, la foi, c'est une croyance du cœur, des paroles qui sont prononcées avec la langue et des actes qui sont faits avec le corps. Donc, cette foi, barakallahu fikum, qui augmente avec les bonnes actions, qui diminue à cause des péchés et des mauvaises actions, ce n'est pas une foi qui ne produit rien, ni dans le cœur, ni sur la langue, ni dans les actes du corps. Mais au contraire, elle a des bénéfices. Elle a des bénéfices sur le cœur, elle a des bénéfices sur le corps, elle a des bénéfices sur la langue. De même qu'une foi faible donne des mauvais fruits, ou la mécréance donne des mauvais fruits, de même une foi forte donne des bons fruits. Et elle a des bénéfices. C'est pour ça qu'il est important d'agir selon ce qu'implique cette foi, et non pas que l'on étudie les piliers de la foi d'une manière théorique, comme si on étudiait une autre matière parmi les matières mondaines, sans comprendre qu'ici on parle d'Allah tabaraka wa ta'ala, notre créateur, et sans avoir une dimension spirituelle à notre apprentissage et à notre pratique. Naam, faddal. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses noms et attributs, accorde au serviteur l'amour d'Allah et la conscience de sa grandeur, ce qui le pousse à appliquer ses ordres et à éviter ses interdits. Naam. La foi en Allah tabaraka wa ta'ala, en ses noms et attributs, accorde au serviteur l'amour d'Allah et la conscience de sa grandeur, ce qui le pousse à appliquer ses ordres et à éviter ses interdits. Effectivement, plus l'on connaît Allah tabaraka wa ta'ala, plus on l'aime et plus on le vénère et plus on a conscience de sa grandeur subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le fait de connaître les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala pousse l'être humain à aimer Allah tabaraka wa ta'ala, à le vénérer et avoir conscience dans sa grandeur, à lui donner de la considération subhanahu wa ta'ala. Donc quand la personne sait qu'Allah est l'entendant, al-sami', l'audient, al-alim, le savant, shadid al-iqab, le dur en châtiment, etc., alors cette personne le craindra et aura conscience de sa grandeur, agrandira son nom et agrandira sa valeur dans son cœur subhanahu wa ta'ala. Ainsi, avec l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, il accomplit les ordres avec plaisir. Et avec la conscience de sa grandeur, il s'écarte de ses interdits de crainte de son châtiment. Car la personne qui a conscience de la grandeur et la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui agrandit Allah tabaraka wa ta'ala comme il se doit, il a peur de son châtiment et il s'éloigne du péché. Il est donc essentiel de connaître et d'apprendre les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran a cité l'objectif pour lequel il a créé l'être humain. Premièrement, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes rien que pour m'adorer, rien que pour me vouer un culte exclusif. Puis, il a dit subhanahu wa ta'ala, هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Et il a créé la mort et la vie pour voir lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Puis il a dit subhanahu wa ta'ala, لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Pour que vous sachiez, لِتَعْلَمُوا, qu'Allah est capable de toute chose et qu'il englobe de sa science toute chose subhanahu wa ta'ala. Donc ici, dans ces trois versets, l'objectif de la création de l'être humain est cité. Premièrement, pour adorer Allah seul, sans lui donner d'associé. Deuxièmement, pour être éprouvé et voir lequel d'entre nous est le meilleur en œuvre. Et troisièmement, pour connaître les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, ses noms et ses attributs, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat al-Talaq, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les sept cieux et autant de terres, et que son ordre descend entre eux pour que vous sachiez qu'Allah est capable de toutes choses et qu'Allah englobe de sa science toutes choses. Donc, un des objectifs de la création de l'être humain, c'est qu'il connaisse les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci est un bénéfice nécessaire de la foi en Allah tabaraka wa ta'ala. Connaître ses noms et ses attributs, cela pousse à l'aimer, à le connaître, à avoir conscience de sa grandeur, à le considérer comme il se doit. Et ceci va nous pousser à lui obéir et à ne pas lui désobéir, subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose donc d'essentiel. Quand on sait qu'Allah, c'est lui le grand pourvoyeur, al-Razzaq, la personne aura pleinement confiance en Allah tabaraka wa ta'ala que le rizq, que la subsistance est dans les mains d'Allah. Et qu'elle n'est pas dans les mains des rois, ni dans les mains des présidents, ni des riches, ni en la possession de son employeur ou de celui qui dépense pour lui, ni même dans le commerce ou dans le travail dans lequel il emploie ses efforts. Mais tout ceci est dans les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Hud verset 6, dans le sens du verset, il n'y a pas une bête sur terre sans que sa subsistance n'incombe à Allah. Il est venu dans le hadith authentique, si l'être humain voudrait fuir sa subsistance, ou si l'être humain fuyait sa subsistance comme l'on fuit de la mort, elle le rattraperait. C'est-à-dire, même en la fuyant, sa subsistance, elle va le rattraper. Qu'Allah a écrit pour quelqu'un, il va l'avoir quoi qu'il arrive. Quand on sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala entend toutes choses, on comprend rapidement que l'on est surveillé et qu'Allah entend toutes les paroles que l'on prononce, quelle que soit la langue que l'on parle, quel que soit l'endroit, que ce soit en secret ou en public, que ce soit murmuré ou dit à haute voix, même ce que la personne n'a pas dit, qu'il a pensé dans son cœur, est connu par Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci le pousse donc à appliquer, donc cette connaissance d'Allah et ses noms et ses attributs, pousse l'être humain à appliquer ses ordres et à éviter ses interdits. Naam. Par cela se concrétise le bonheur parfait pour l'individu et la société dans ce bas monde et dans l'au-delà. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سورة النحل verset 97. Quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous le récompenserons certainement en fonction des meilleures de ses actions. Non. Donc, en appliquant les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala et en s'éloignant de ses interdits, la personne accède au bonheur en ce monde avant l'au-delà. Et la société aussi trouve un équilibre et un bonheur. Mais sans la foi en Allah, cette foi qui nous pousse à connaître ses noms et ses attributs, à l'aimer, à avoir conscience de sa grandeur, à pratiquer ses ordres, à éviter ses interdits, alors on ne peut pas goûter au bonheur, ni dans cette vie, ni dans l'au-delà. Beaucoup de gens pensent que la foi et la croyance ne sont utiles que pour l'au-delà. Et ils oublient que cette vie-là, dans laquelle Allah Ta'ala nous a mis pour nous éprouver, il nous a donné aussi un chemin pour atteindre le bonheur dans cette vie, non pas seulement dans l'au-delà. Sauf que le bonheur, il n'est pas comme l'être humain se l'imagine. Aujourd'hui, on veut absolument donner une image du bonheur, premièrement qui est limitée à ce bas monde, en rejetant l'au-delà, ce qui est le plus grave, car ce bas monde par rapport à l'au-delà n'est rien du tout, n'est qu'une goutte dans la mer, même pas. Et deuxièmement, faire croire que le bonheur, c'est que l'être humain fasse ce qu'il veut, sans limite, sur cette terre. La liberté absolue, comme il pense. En réalité, comme on l'a déjà dit dans un cours précédent, c'est se libérer d'Allah et des ordres d'Allah et de la religion. Mais en se libérant des ordres d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en réalité, la personne, il est devenu adorateur et serviteur d'un autre qu'Allah. Fadal. Parmi les bénéfices de la croyance aux anges, nous avons, premièrement, la connaissance de la grandeur de leur créateur, subhanahu wa ta'ala, sa force et son pouvoir. Donc là, il est passé, le cheikh, rahimahullah, au bénéfice de la croyance aux anges. Et il a cité, en premier lieu, reconnaître la grandeur de leur créateur, subhanahu wa ta'ala, sa force et son pouvoir. Effectivement, quand on voit l'immensité des créatures d'Allah, qui ici sont les anges, on témoigne par cela de l'immensité de leur créateur. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets dans sourate Al-Anbiya, ceux qui sont auprès de lui, c'est-à-dire les anges, ne se considèrent point trop grands pour l'adorer et ne s'en lassent pas. Ils exaltent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent point. Et ceci, personne n'est capable de le faire parmi les êtres humains. Naam. Deuxième point. Deuxièmement, être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, car il veille sur ses serviteurs en leur assignant des anges qui les protègent, d'autres qui écrivent leurs actions, ainsi que d'autres qui leur sont bénéfiques de différentes manières. Naam. Quand on a la croyance aux anges, à leurs fonctions, à leurs actions, il est obligatoire pour nous d'être reconnaissants envers Allah tabaraka wa ta'ala pour l'attention et la miséricorde qu'il a envers nous. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets dans sourate Ghafir, ceux qui portent le trône, c'est-à-dire les anges, et ceux qui l'entourent, célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. Donc, on voit qu'ici, les anges invoquent Allah tabaraka wa ta'ala pour les croyants et ils les aiment et ils demandent le pardon pour eux. Et on voit à travers cela l'attention qu'Allah tabaraka wa ta'ala porte envers ses serviteurs. Il nous a mis à notre service tous ces anges qui sont des créatures qui ne désobéissent jamais à Allah tabaraka wa ta'ala pour invoquer pour nous. Subhanallah. Ces anges-là, ils invoquent pour nous. Ces anges-là, ils sont la cause de nous protéger par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme Allah ta'ala dit dans surat Ar-Ra'd, verset 11 dans le sens, l'homme a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. Ainsi, il y a des anges qui sont aussi chargés d'écrire les œuvres, comme on a vu auparavant, comme dans sourate Al-Infitar, versets 9 à 12. Non, malgré tout, vous traitez la rétribution de mensonge, alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes qui savent ce que vous faites, c'est-à-dire qui écrivent ce que vous faites. Si la personne se demandait, qu'est-ce que l'on a fait ce mois-ci? Certes, on ne serait pas capable de dénombrer ce que l'on a fait comme bien et comme mal. Et si on avait quelqu'un parmi les êtres humains qui écrirait nos œuvres nuit et jour, en secret et de manière ouverte, il serait fatigué et n'aurait pas été capable de faire cette tâche. Alors qu'Allah Ta'ala nous a assigné des anges à notre service qui écrivent nos œuvres. Comme aussi le fait qu'il y a des anges chargés de la pluie. Et ceux qui tirent profit de la pluie, ce ne sont pas les anges, ce sont les êtres humains. D'autres anges qui s'occupent des plantes, ainsi de suite. Tout ceci pour qui? Pour l'être humain. Et d'autres anges qui leur sont bénéfiques dans différentes manières, qui ont des tâches bien précises, comme on a vu auparavant. Tout ceci est un bienfait de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que la création des anges et les différentes fonctions qu'ils ont, notre croyance aux anges nous pousse à être reconnaissants envers Allah tabaraka wa ta'ala du fait qu'il est bienfaisant envers nous, subhanahu wa ta'ala. Naam. Troisièmement, l'amour des anges pour tout ce qu'ils accomplissent, tel que l'adoration parfaite qu'ils vouent à Allah subhanahu wa ta'ala, et tel que la demande d'absolution qu'ils lui adressent en faveur des croyants. Naam. Donc, on doit aimer les anges. Si on a la croyance aux anges, parmi les bénéfices et les fruits de la croyance aux anges, c'est qu'on les aime. On les aime pour Allah. Pourquoi? Car ils ne font qu'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ne lui désobéissent jamais. Et il est de notre devoir, ceci fait partie de la croyance, de l'wala wal-bara, l'alliance et le désaveu, d'aimer ceux qu'Allah aime, ceux parmi les anges, les hommes et les djinns qui obéissent à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci fait partie de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala et de l'amour en Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième raison pour laquelle nous aimons les anges, c'est que eux, ils invoquent Allah pour les croyants, ils invoquent Allah pour nous. Alors ceci nous pousse à les aimer. Naam. Parmi les bénéfices de la croyance au livre, nous avons, premièrement, la connaissance de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait qu'il veille sur ses créatures, puisqu'il a envoyé à chaque peuple un livre par lequel il les guide. Naam. Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre ses livres par miséricorde pour ses serviteurs. Et il a envoyé des messagers par miséricorde pour ses serviteurs. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset de sourate Al-Anbiya, verset 107, « Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. » Ainsi, nous remarquons avec la descente des livres qu'Allah tabaraka wa ta'ala a aimer ses serviteurs et a eu de la miséricorde et de l'attention envers eux. Si nous n'avions pas eu ces livres et les messagers, comment nous aurions pu connaître les différentes manières de pratiquer les actes religieux, comme les ablutions, la salat, le jeûne, etc. Naam. Donc ceci est une ni'ma. Deuxièmement, la manifestation de la sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, car il a légiféré dans ses livres des lois conformes à chaque communauté. Le noble Coran, qui est le dernier des livres, est lui aussi adapté à chaque époque et à chaque lieu, et ceci jusqu'au jour du jugement. Non, nous avons déjà vu cela dans la croyance au livre, et parmi ses bénéfices, donc, il y a le fait que la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala se manifeste dans ses lois. Effectivement, on voit à travers les lois du Coran la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. On voit à travers les lois de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la révélation qui est la sunna, la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Troisièmement, être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait qu'est l'envoi des livres. Naam. Être reconnaissant, cela nous pousse à être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et de le remercier subhanahu wa ta'ala. Et la reconnaissance, elle se manifeste de plusieurs manières. Premièrement, avec le cœur. Deuxièmement, avec la langue. Troisièmement, avec le corps. En utilisant les bienfaits qu'Allah nous a donnés comme Allah aime. Donc, la reconnaissance est en retour d'un bienfait. Mais elle ne se limite pas seulement à la langue ou au cœur. Elle est liée aussi aux actes que l'on fait. Le fait d'adorer Allah et d'utiliser notre santé, notre vie et les bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a donnés comme Allah aime subhanahu wa ta'ala. Naam. Parmi les bénéfices de la croyance au messager, nous avons, premièrement, la connaissance de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et le fait qu'il veille sur ses créatures, puisqu'il a envoyé ses nobles messagers pour la guider et l'orientation. Naam. Donc, ceci revient à ce que l'on a cité aussi dans les bénéfices de la croyance au livre. Effectivement, l'envoi des messagers, avec les messages, ont été la cause pour que l'on apprenne comment adorer Allah tabaraka wa ta'ala, pour que l'on apprenne aussi à connaître Allah tabaraka wa ta'ala, ses noms et ses attributs, à travers ceux qu'ils nous ont transmis de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci nous indique aussi qu'Allah tabaraka wa ta'ala veille sur ses créatures. On voit à travers cela l'attention qu'Allah ta'ala nous porte, qu'il ne nous a pas laissé en vain et qu'il nous a envoyé des messagers, subhanahu wa ta'ala. Non. Deuxièmement, être reconnaissant envers Allah, subhanahu wa ta'ala, pour ce bienfait immense. Effectivement, l'envoi des messagers est un bienfait immense. C'est une grande ni'ma. Non. Troisièmement, aimer les messagers, les respecter et les mentionner par les propos élogieux qui leur convient, car ils sont les envoyés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et l'élite de ses serviteurs. Ils adorèrent Allah comme il se doit, transmirent son message, furent de bons conseils envers ses serviteurs et furent endurants face à leurs nuisances. Là, ainsi, parmi les bénéfices de la croyance aux prophètes et aux messagers, il y a le fait de les aimer, car ce sont les hommes qui sont les plus aimés d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il est donc obligatoire de les aimer, de les respecter, de les honorer et de leur obéir, car ils ont été envoyés de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'on leur obéisse. Non. Parmi les bénéfices de la croyance au jour dernier, nous avons, premièrement, être avide d'obéir à Allah, subhanahu wa ta'ala, dans l'espoir d'obtenir sa récompense ce jour-là et s'écarter de ses interdits par peur du châtiment de ce jour. Deuxièmement, détourner l'attention du croyant de ce qu'il n'a pu obtenir comme bien et délice de ce bas monde vers ce qu'il espère comme plaisir et récompense dans l'au-delà. Donc, parmi les bénéfices de la croyance au jour dernier, le premier, c'est que cela nous donne envie et être avide d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala dans l'espoir d'obtenir sa récompense. Et nous voyons que les gens qui sont immergés dans les péchés, qui oublient de penser au jour du jugement dernier et à l'au-delà, et on les voit qui se délectent dans les choses matérielles ou bien qu'ils ont certains bienfaits vestimentaires ou dans leurs enfants ou dans leur famille ou dans leur palais. Mais on doit avoir la certitude que ces gens-là qui ont oublié Allah tabaraka wa ta'ala et sa rencontre, et le jour du jugement dernier, ils vont mourir dans la peine et la difficulté. Même dans cette vie-là, en réalité, ils ne sont pas heureux. Ils ont juste une jouissance matérielle. Mais on a la certitude qu'ils vont vivre dans la peine et dans la difficulté. Alors que celui qui croit au jour du jugement dernier, Allah tabaraka wa ta'ala lui a préparé les vrais délices pour l'au-delà. C'est pour cela que l'on entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a interdit de boire dans des récipients en or et en argent et de manger dans des plats faits dans ces deux métaux, car ils sont destinés à eux, c'est-à-dire aux mécréants dans la vie d'ici-bas, et ils sont destinés aux croyants dans l'au-delà. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était allongé sur un lit en fibre de palmier. et ceci avait laissé des traces sur son corps. Alors Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu est entré et quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cet état, il se mit à pleurer. Et il lui a dit que les rois de ce monde, ils sont dans des palais, sur des lits en soie. Et toi, tu es le messager d'Allah et c'est dans cet état que tu dors. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu pleurer, il lui dit « Qu'est-ce qui te fait pleurer ?» Donc Omar lui a répondu cela. « Tu es l'élu d'Allah alors que les empereurs dorment sur les meilleurs lits et vivent dans les plus grands châteaux. Et toi, tu dors sur ce que je vois ici. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Oh Omar, qu'ai-je à faire de ce bas monde ?»« Ma li walid dunya. » »« Qu'ai-je à faire de ce bas monde ? » »« N'es-tu pas satisfait que l'on ait pour nous l'au-delà et qu'ils aient pour eux ce bas monde ?» Il a dit, dans d'autres versions, « Je ne suis dans ce bas monde que comme un cavalier qui s'est arrêté à l'ombre d'un arbre pour se reposer, puis il s'est levé et il est parti. » Donc voilà comment le musulman voit ce bas monde. Ce bas monde, il n'a pas la valeur d'une aide de moustique pour le musulman. Le musulman donne de la valeur à l'au-delà, car il sait que c'est la vraie vie et que cette vie présente n'est qu'un amas d'illusions. Non. Alors quand le croyant voit le kafir ou le fasiq ou le pervers se délecter dans les plaisirs éphémères de ce bas monde, il sait que lui, en obéissant à Allah tabaraka wa ta'ala, il a déjà un plaisir meilleur dans ce monde, qui est la douceur de la foi qui pénètre son cœur. Et il aura les vrais délices dans l'au-delà qui seront éternels. Alors, le croyant, c'est lui l'intelligent, celui qui se rappelle le plus de la mort. D'ailleurs, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné, qui est la plus intelligente des personnes ? Il a dit, c'est ceux qui se rappellent le plus de la mort et ceux qui s'y préparent le mieux. Voilà les gens doués d'intelligence. Ils sont repartis avec les honneurs de ce bas monde et de l'au-delà. Qu'Allah nous inscrive parmi ces gens. C'est une des forces que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient. Ils étaient désintéressés de ce bas monde. Wallah, et réellement, ils ne donnaient aucune valeur à ce bas monde. Désintéressés. Toute chose qu'ils voyaient de ce bas monde, cela ne les touchait pas. Pour eux, ce n'était qu'un amas de terre, un amas de poussière, une illusion. D'ailleurs, quand le Dajjal il va venir à la fin des temps, comment il va tromper les gens ? Avec le bas monde, avec l'illusion. C'est pour cela que la plupart de ceux qui vont le suivre vont être les femmes, car elles sont celles qui sont le plus attirées par ce qui brille. Jusqu'à ce qu'il est venu dans les hadiths authentiques, qu'un homme il va rentrer chez lui, il va attacher sa mère, ses filles, ses sœurs à la maison pour pas qu'elles suivent le Dajjal. Cela ne veut pas dire que l'homme est épargné, mais les femmes sont plus en danger, de par leur nature, de par cette faiblesse qu'elles ont à être attirées vers les choses qui brillent. Et le Dajjal, il va attirer les gens comment ? Par les choses qui brillent, par l'illusion. D'ailleurs, la plupart des femmes dans ce monde, elles sont attirées par l'illusion de ce bas monde. Quelqu'un lui montre de l'argent, une belle voiture, une belle chose, leurs yeux, elles brillent, sauf celles qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, un jour, il a vu son fils se dirigeant vers le marché. Il lui a dit, où vas-tu mon fils ? Il a dit, je vais acheter un dirham de viande. Nous avons eu envie de viande. Il l'a regardé, il a dit, pourquoi ? Vous achetez tout ce que vous avez envie ? Vous mangez tout ce dont vous avez envie, vous ? Puis il lui a récité, أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا. Vous avez épuisé vos bienfaits dans ce bas monde. Comme s'il avait compris, Omar radiallahu anhu, plus on profite de certains bienfaits dans ce monde, et plus une partie des délices qu'on aurait pu avoir dans l'au-delà seront diminuées à mesure de ce que l'on a profité dans ce monde. Où sont ceux qui pensent comme ça ? Où sont ceux qui ont cet ascétisme réel ? C'est-à-dire, ils se désintéressent de ce bas monde. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ma li walid dunya, qu'en ai-je à faire de ce bas monde ?» Subhanallah. Le prophète d'Allah, le meilleur des hommes, un jour il a faim, un jour il mange. Il peut se passer des jours et des jours. Il n'y a rien pour allumer le feu dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne mange que de l'eau et des dattes. Il sort en mettant une pierre, deux pierres sur son estomac attaché pour ne pas sentir la faim. Alors quand on voit, nous, on vit dans le luxe, plus que le luxe, dans le gaspillage. Et encore, on n'est pas heureux. Encore, on n'est pas satisfait. Encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. J'en veux encore. Avide de ce bas monde. Remplir le ventre. Comme il est venu dans le hadith sahih, il n'y aura que la terre qui va rassasier la bouche du fils d'Adam. C'est-à-dire quand il sera sous terre. C'est un tamma'. Sauf celui qui combat son âme et qui a réussi à l'éduquer pour qu'elle aime l'akhira et qu'elle déteste ce bas monde. Une personne a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, indique-moi une œuvre que si je la fais, je serai aimé d'Allah et je serai aimé des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. Désintéresse-toi de ce bas monde et Allah t'aimera. Et désintéresse-toi de ce que les gens possèdent, les gens t'aimeront. Il faut que le croyant soit désintéressé de ce bas monde. C'est-à-dire ce bas monde, il ne l'intéresse pas du tout. Il n'en a que faire. Ça vient ou ça part, alhamdulillah. Ce qui lui fait de la peine et de la joie, c'est l'augmentation des bonnes actions ou leur diminution. Rien d'autre. Tout le reste, il n'en a rien à faire. Naam, tafaddal. Parmi les bénéfices de la croyance en la prédestination, nous avons, premièrement, s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala lors de l'accomplissement des causes, car la cause et celui qui la réalise sont tous deux le produit du décret d'Allah et de sa prédestination. Non, ça c'est un point très important. C'est que la personne, elle ne s'appuie pas sur elle-même. La personne, elle s'en remet à Allah tabaraka wa ta'ala au moment où il accomplit les causes. Et ceci est un des bénéfices les plus importants de la foi au destin. C'est pour cela, il est faux de dire « aie confiance en toi ». Je manque de confiance en moi. Il manque de confiance en lui. Ça n'existe pas en islam. On a confiance en Allah. On ne met pas notre confiance en nous-mêmes. D'ailleurs, la personne qui place sa confiance en sa personne, il a placé sa confiance sur du vent, sur du vide. Mais on place plutôt notre confiance en Allah. Dans la dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, il y a le fait de dire « wala takilni ila nafsi tarfata ayn ». Ne me retourne pas vers ma propre personne, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Et on a des gens, soi-disant, au nom de l'islam, maintenant des psychologues musulmans. En fait, sa psychologie, elle n'a rien d'islamique. C'est une psychologie, la psychologie de Freud et des koufars. Juste au début, il dit bismillah et à la fin, il dit alhamdulillah. Et de temps en temps, il dit des mots en arabe. Et après, il dit je suis un psychologue musulman. Pareil avec leur méthode d'enseignement, d'éducation. École Montessori musulman. Alors ils disent du bismillah, alhamdulillah, mais tout le mode d'éducation, il n'a rien à voir avec l'islam. C'est le mode Montessori, c'est-à-dire on ne prive l'enfant de rien, on n'interdit rien à l'enfant, on ne doit jamais lui dire non, on ne doit pas le punir. Ça c'est musulman? Est-ce que c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné l'éducation? Tellement on est devenu nul, on l'a laissé nos références, on va chercher tout chez les koufars. La psychologie, l'éducation, même la religion maintenant, les gens ils le prennent chez les koufars. Ils ne le prennent plus chez les musulmans. À force de les prendre en modèle dans toute chose. Et après, on vient en islamisant en mettant un voile et en disant bismillah et à la fin, on dit alhamdulillah. Ça n'a rien d'islamique. C'est comme si on disait bismillah sur un porc et on l'égorge. Ça change rien. C'est haram. Et on vient endormir les gens, école Montessori musulmane, psychologue musulman, islamique. Quel islamique? Son mode d'éducation, sa manière dont il suit son patient, ils n'ont rien d'islamique. Les solutions qu'il lui donne, il faut revoir nos fondements, nos références. D'abord connaître nos références. Le mode d'éducation selon le Coran et la Sunna. La psychologie de l'être humain selon le Coran et la Sunna. Soigner les maladies psychologiques selon le Coran et la Sunna. Après, en plus, s'il y a des expériences chez certains koufars, qui ne contredisent pas le Coran et la Sunna, il n'y a pas de mal, on les prend. Elle nous vient avec ses objets en bois à Montessori, objets en bois. Il y a des gens, ils ont appris à lire sans, avant que Montessori, elle nous sorte ses objets en rugueux, en bois ou en carton. Mais bon, elle nous sort ses objets en bois, c'est pas grave. On utilise des objets en bois, il n'y a pas de mal. Mais la base de l'éducation, on ne l'apprend pas de Montessori, on l'apprend du Coran et de la Sunna. On peut utiliser juste les outils qu'ils ont, s'ils ne sont pas contradictoires. Mais ça n'en fait pas une méthode modèle. C'est une méthode parmi les autres. Quelqu'un, il apprend à lire et écrire avec un papier, un stylo, c'est suffisant. Un autre, il apprend avec des lettres rugueuses. C'est plus ludique pour l'enfant. Pourquoi pas? C'est pas grave si c'est juste ça. Mais de là à en arriver à que des gens ils disent méthode d'éducation alternative et on voit que c'est fait au nom de l'islam, c'est le plus grand des mensonges. Donc pourquoi j'ai dit tout ça? Parce qu'on a parlé ici de la confiance. Placer sa confiance en Allah, non pas en soi. Et on a aujourd'hui tout un programme enseigné par des soi-disant psychologues musulmans qui enseignent que c'est toi qui détermine ton destin. C'est toi qui détermine ton bonheur ou ton malheur. A'udzubillah. Les musulmans qui peuvent dire de ce type de paroles. Ils appellent ça le programme neurolinguistique. Le programme neurolinguistique. Et ils ont camouflé ça avec des connotations musulmanes. Pareil, la médecine. La médecine chinoise, par exemple. L'acupuncture ou autre. Si c'est juste à prendre les points d'acupuncture, qui sont d'ailleurs très proches des points de hijama, il n'y a pas de mal. L'islam ne rejette pas l'expérience dans ce type de choses. Mais si c'est pour aller parler comme les Chinois, ils parlent d'une énergie qui circule dans le corps, ils parlent du chi, ils parlent de certaines croyances dans lesquelles il y a du shirk. Et après, on vient avec une longue barbe et les musulmans, et il vient nous raconter son shirk. Et il nous dit « médecine chinoise musulmane ». Donc attention, attention, toute personne, quand elle se lance dans un domaine, ses croyances l'accompagnent. Ces croyances se reflètent dans leurs expériences, dans leurs termes, dans les mots. Combien de mots en français on utilise? Il y a du shirk dedans ou il y a des choses contradictoires à l'islam. Barakallahu fikum. Donc, pourquoi j'ai parlé de ce point ici? La croyance dans la destinée. Avoir confiance en Allah. Pas avoir confiance en ses capacités, comme ils disent. Oui, on a conscience qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, il nous a donné certaines capacités. Mais on place notre confiance en Allah. On ne place pas notre confiance en nous-mêmes. Barakallahu fikum. Naam. Deuxièmement, l'apaisement de l'âme et la sérénité du cœur ressentie. Car lorsqu'il, le serviteur, prend connaissance que cela se réalise par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ce qui est détestable se produit quoi qu'il arrive, l'âme s'apaise et le cœur goûte la tranquillité et il agrée le décret du Seigneur. Ainsi, personne n'a de vie plus heureuse, d'âme plus sereine et de paix intérieure plus grande que celui qui croit pleinement au destin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est ça qui manque aujourd'hui pour trouver la tranquillité, la pleine croyance au destin. Savoir que ce qui t'a raté n'aurait jamais pu te toucher. Et ce qui t'a touché n'aurait jamais pu te rater. La personne, elle est tranquille. Elle ne regrette pas, elle ne vit pas dans la nostalgie du passé et elle ne vit pas dans la crainte du futur. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils ne vivent pas le présent, ce dans quoi ils peuvent agir. Ce dans quoi Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné la possibilité de faire des choix. Ils passent leur vie entière ou à vivre dans la nostalgie du passé. Ils regardent les photos et les vidéos d'avant et les souvenirs et les souvenirs. Ça sert à quoi les souvenirs, barakallahu fik? C'est fini. Ça sert à quoi? À part perdre du temps et s'attrister. Ça sert à quoi? Ou bien la crainte du futur. Il y a des gens, ils ont même peur de leur boîte aux lettres. À quelle lettre je vais recevoir? Je vais recevoir un licenciement? Je vais recevoir une amende? Je vais recevoir je ne sais quoi, il a peur de la boîte aux lettres. Il a une phobie d'aller ouvrir sa boîte aux lettres chaque jour. Alors que celui qui a la pleine croyance en ce pilier qui est la croyance au destin, que rien ne se réalise que si Allah l'a décrété. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le cas du croyant est étonnant car il ne comporte pour lui que du bien. Et ceci n'est que pour le croyant. S'il lui arrive quelque chose d'agréable, il remercie Allah, il est reconnaissant envers Allah et c'est du bien pour lui. Et s'il lui arrive un malheur, il patiente et c'est du bien pour lui. Et ceci n'est réservé qu'aux croyants. Donc la personne, il trouve la sérénité et le repos de l'âme. Ainsi, il ne s'inquiète pas et il ne se consume pas de chagrin sur le passé. Et il ne s'inquiète pas de ce qui va lui arriver. Et lorsqu'il manque l'occasion de réaliser ses désirs, il dit « Qaddar Allahu wa ma sha'a fa'al ». Et lorsqu'il lui arrive un malheur, il patiente, il dit « Alhamdulillah ala kulli hal ». Et il n'a pas peur du futur. Car il sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne décrète pour un croyant que du bien. Non. Troisièmement, repousser la trop haute estime de soi lorsqu'une chose souhaitée se réalise. Car cela est une faveur d'Allah, de par ce qu'il a décrété comme cause de bien et de réussite. Allah Ainsi, Allah. Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cela et délaisse l'autosatisfaction. Naam, effectivement, qui t'a donné cette vie? Qui t'a donné ce corps? Qui t'a donné le temps? Qui t'a donné la santé? Qui t'a donné la volonté? Qui t'a guidé à la foi? Qui a fait que les causes elles se sont facilitées pour que tu fasses ce bien? Alors comment tu peux t'enorgueillir? Comment tu peux te forger des illusions sur toi-même après cela? Donc, la personne qui a la croyance dans la destinée, il ne s'enorgueillit pas. Lorsqu'il arrive à réaliser son objectif, il est reconnaissant envers Allah tabaraka ta'ala. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'oublie pas d'être reconnaissant et de remercier Allah tabaraka ta'ala. Alors que celui qui a une foi faible, une fois qu'il a réussi quelque chose, il s'enfle d'orgueil et il est là à gonfler sa poitrine et à dire « Regardez, j'ai réussi, vous voyez, c'est moi, je vous avais dit, j'y arriverai. » Allahu Akbar, c'est comme ça qu'un croyant. Ou alors, aujourd'hui, ça se cache d'autres manières. Certains frères et sœurs, ils ont des débats entre eux, parfois religieux. Mais ce débat, il n'est pas dans l'objectif de trouver la vérité. Ou parfois, au début, l'objectif est de trouver la vérité. Mais rapidement, les objectifs changent. Et chacun veut avoir raison. Non pas que la vérité, elle gagne, mais il veut avoir raison. Alors dès que la réponse va dans son sens, voilà qu'il se gonfle d'orgueil. Voilà, je t'avais dit. Je vous avais dit que c'était ça la vérité. Je vous avais dit que j'avais raison. Alhamdulillah, remercie Allah s'il t'a permis de suivre le bon chemin. Et celui qui cherche à faire vaincre son avis. Et il utilise la vérité pour camoufler ce désir de s'enorgueillir sur les autres et de leur monter dessus. Allah va le dévoiler et Allah va le rabaisser. Car en vérité, il n'a pas voulu que la parole d'Allah soit la plus haute. Non. Quatrièmement, chasser l'angoisse et le mécontentement lorsque la chose voulue ne se réalise pas et que la chose détestable se produit malgré tout, car cela est arrivé par le décret d'Allah, subhanahu wa ta'ala, celui qui détient la royauté des cieux et de la terre, et il se produit inexorablement. Il endure donc avec patience et il espère en cela la récompense de son Seigneur. Allah, subhanahu wa ta'ala, fait allusion à ceci dans sa parole. Nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous l'ayons créé. Et cela est certes facile pour Allah, afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné. Et Allah n'aime pas tout présomptueux, plein de glorioles. Sourate al-Hadid, verset 22-23. Lorsque le croyant sait que tout ce qui est arrivé est selon un décret d'Allah, tabaraka ta'ala, et qu'Allah a prédestiné cela, il sait alors que c'est une épreuve d'Allah, tabaraka ta'ala, et qu'à travers cette épreuve, il y a une immense récompense pour celui qui patiente et espère la récompense auprès d'Allah, tabaraka ta'ala. Que cette épreuve soit une maladie, ou une tristesse, ou autre, alors la personne en patientant et en attendant la récompense auprès d'Allah, tabaraka ta'ala, il obtiendra par cette cause une grande récompense auprès d'Allah, tabaraka ta'ala. Comme Allah, tabaraka ta'ala, a dit, إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Certes, il n'y a que les endurants qui obtiendront leur récompense sans compter. Et quand ce croyant il est touché par un malheur, il dit قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ. Allah l'a destiné ainsi, ce qu'il a voulu, il l'a fait. Ou bien قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلْ. Ceci est la destinée d'Allah et ce qu'il a voulu, il l'a fait. Ainsi, celui qui concrétise la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, au destin bon ou mauvais venant de la part d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et qu'il les met en pratique, alors il en récolte les fruits bénéfiques, et il est tranquillisé, et il vit une vie heureuse dans ce monde, et apaisé, plein de force, de caractère, il a un cœur fort, qui par la grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'aide à supporter les épreuves difficiles de la vie, et à prendre les bons choix et ne pas se laisser emporter par ses émotions ou par ses sentiments, alors cette personne fait partie des bienheureux, ceux qui ont réussi, les patients, les reconnaissants, les repentants, dont Allah tabaraka ta'ala parle dans le Coran al-Karim, qu'Allah tabaraka ta'ala nous compte parmi ses serviteurs pieux. Non. Nous demandons à Allah de nous affermir dans cette croyance et qu'il nous en accorde les bénéfices, nous octroie un surplus de ses bienfaits, qu'il n'égare pas nos cœurs après nous avoir guidés, qu'il nous accorde de sa part une miséricorde. Il est certes celui qui donne avec largesse, toute louange revient de droit au Seigneur de l'univers, et qu'il fasse éloge et salue notre prophète Mohammed, sa famille, ses compagnons et leurs successeurs de la meilleure des façons. Parachevé via la plume de son auteur, Mohammed Salih al-Uthaymin, le 30 Shawwal 1404 de l'Hégire. Rahimahullahu rahmatan wasi'a. هذا العالم الفقيه الزاهد وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.